Chapitre 4. L'abbaye de Saint-Victor. Le jour était sur sa fin. Le canon avait cessé de tonner. Mais les assiégeants et les assiégés accablés de lassitude ne cherchaient cependant point encore le repos, occupés qu'ils étaient de penser leurs blessés et de compter leurs morts. Un homme enveloppé d'un manteau brun marchait rapidement sur le quai Rive-Neuve, tout en affaiblissant le plus possible le bruit de sa lourde chaussure. Il dépassa l'hôpital des forçats, laissa derrière lui les salines, et s'arrêta devant un vaste édifice dont les murs hauts et sombres étaient défendus par des tours. C'était l'abbaye de Saint-Victor. Selon la règle de Saint-Benoît qu'on y suivait alors dans toute sa rigueur, nul séculier n'avait le droit de franchir les murs du célèbre cloître. Et pourtant, au nom de Guillaume du Puget, toutes les grilles s'ouvrirent. Arrivé dans la cellule du frère portier, le gentilhomme se débarrassa de son manteau et laissa voir au religieux étonné une rapière à demi tirée du fourreau et un pourpoint brodé taché de sang. Le prieur l'attendait. Guillaume s'avança sur les traces de son guide et traversa les galeries de l'abbaye éclairées par la lanterne sourde que portait le frère. Ils s'arrêtèrent sur une terrasse où le père Anselme priait. C'était un doux et noble vieillard que le père Anselme. Sa taille était un peu au-dessus de la moyenne, des cheveux blancs ornaient sa tête presque chauve, sa vie dure mais calme, lui avait conservé toute la vigueur de sa jeunesse. Aimé comme un père par ses religieux, vénéré par les séculiers comme un homme de bien, il était la gloire et l'ornement de l'abbaye. Il remplaçait l'abbé Jules de Médicis, alors cardinal, et qui fut plus tard élu pape sous le nom de Clément VII. Du Puget s'était arrêté à quelque distance du prieur craignant de troubler sa méditation. Il s'assit sur un banc de pierre. D'un côté à sa droite, les cyprès séculaires du cimetière de l'abbaye, éclairés par les premiers rayons de la lune, semblables à de noirs fantômes, s'allongeaient silencieusement sur les tombes. De l'autre, d'une porte ouverte donnant sur l'église inférieure, montaient les notes monotones des religieux qui psalmodiaient l'office du soir. Le gentilhomme se laissa bientôt absorber par une rêverie profonde. La solitude, le calme doux, suave des cloîtres, après le tumulte et les terreurs de la guerre, repose l'âme et semble la transporter dans un monde meilleur. Quand le père Anselme aperçut le chevalier, il alla droit à lui. Le jeune gentilhomme s'est élevé. « Mon père, je viens accomplir ma promesse. » Et détachant le ceinturon qui retenait son arme, « Voici mon épée, » continua-t-il. « Gardez-la, je suis lassé du monde. Il n'y a plus rien qui puisse me retenir. » À ces paroles du jeune homme, le vieillard sourit. « Vous vous trompez, » dit-il avec douceur. « Votre cœur est encore lié par les affections et les vanités de la terre. Ne revenez-vous pas du combat ?»« C'est vrai. J'ai combattu pour Marseille, ma patrie, » reprit Guillaume, « mais sans chercher la gloire que j'ambitionnais autrefois. J'ai rencontré mon ennemi dans la mêlée. J'aurais pu me venger, et je l'ai défendu. Pourtant cet homme est la cause de toutes mes souffrances. Le nom qu'il porte m'appartient. Sa fortune est à moi, et c'est lui qui m'a fait orphelin. Mais jusqu'ici, personne n'a deviné le sujet de mes tristesses. Mes incertitudes, nul ne les a connues, j'ai dévoré seul mes tourments. « Mon fils, dit le religieux, ne vous privez plus des consolations que donne l'amitié. Racontez-moi votre passé. Je désire connaître vos malheurs afin de les plaindre, et vos chagrins pour les adoucir. » « Je vous obéis, mon père, » murmura Dupuget.